c'est tard, c'est qu'on dort pas. J'rappe à tort, j'fais pas du rap ré qui sort pas. De la street on sort, l'état du rap me sort pas le cul. Sincère, mais les rix, mais les faux ne l'ont pas cru. Les faibles ont les excuses, les forts ont les solutions. Les faux me font des excuses, qui que j'paye l'addition. J'additionne, voyez les consoles, la street on la consomme. Mais on s'en seul, c'est en somme qu'on se console. Je sais que c'est con à dire, mon rap fait du bien en vrai. Mais après dire, les pseudo-stars ne savent plus quoi dire. Ne savent plus quoi faire, ne savent plus quoi fuir. C'est nous la relève, ré, il reste plus qu'à fuir. L'état nous pèse, donc on pèse. L'état à son tour, la route tourne, ré, donc on les pèsera à leur tour. A toute heure, sur le terrain, la rue est ton tuteur. Parce qu'on m'a dit que la rue t'allume à toute heure. C'est sur un air mélancolique que je pars au charbon. C'est le son du terrain, retiens bien l'arçon. Les MC morts à l'arme sont normales, c'est nous leur inspi. Reste cool, respire, la reste nous donne de l'inspi. Chez nous, ré, on reste puis. Sous cola, le sushi, intriguant comme ce qu'il y a dans le sushi. Chuchote, les scoopies puis ce qu'il y a dans le sachet. On t'enquête, ça chuchote, les taux prêts, les notes chutes. Les petits peurs, les pépettes se mettent à la zipette. Les frères veulent tout péter, les taper, les pipelettes. Pas de bluff, nique les keufs, avec un sourire. L'instru, je l'assure, nique sa mère, on va tous mourir. Paro, pareil au meilleur, j'suis comparé. J'ai hackard, j'me suis fait hackard, j'suis bien préparé, ouais. J'ai vu la mort de près après avoir été écroué. Tu connais la méthode, hey, c'est pas ça. De Koé, attitude dans les arts, au top, toujours un bec. C'est pour ceux qui gonflent leurs couilles autant que leurs becs. Pour ton, s'il y a pas de bif, tu connais le tombeau. Si ça porte l'œil d'un deal, sous les vies de Londo. Coco, fais pas le fou, tu trouveras plus fou que toi. Marche ou crève, marche pas avec tes frères qui se foutent toi. On est tous fous dans un gros fer en foyer. Tu veux marquer ton temps, sois prêt, y'a des fous alliés. Chez nous, que des fous alliés. Quand on se bute, c'est pas respect. Et quand ça tire, on voit ceux qui sont pas restés. Par ici, la monnaie, la redesse. Des réactions, parce que les requins veulent bouffer du gros poisson. Yeah, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Yeah, dans le mic, ray.